Le porte-parole du Comité national de mesures extraordinaires contre les exercices de guerre nucléaire contre le Nord a publié le 29 juin une communication pour accuser les États-Unis qui intensifient pour la pression extrême contre notre République les menaces et chantages nucléaires en déplaçant toujours dans la péninsule coréenne et à ses environs les biens stratégiques nucléaires de nature agressive en même temps que la sanction ultra-dure. Il a dit: les États-Unis projettent de déplacer le corps de frappe du porte-avions nucléaire Nimitz au Pacifique Ouest, zone d'opération de la 7e flotte américaine, et de livrer l'opération maritime prévoyant le cas échéant dans la péninsule coréenne avec le corps de frappe du porte-avions nucléaire Ronald Reagan déjà déployé. Dans ce contexte, le 20 dernier, ce pays a poussé l'escadrille de bombardiers stratégiques nucléaires B-1B déployée à l'île de Guam à livrer les exercices de bombardement simulés dans l'espace aérien de Corée du Sud et annonce la normalisation de la sortie à plus d'une fois par mois des bombardiers stratégiques dans la péninsule coréenne. Surtout, il a disposé en hâte à la base de l'aviation américaine à Gunsan de la province du Jeolla du Nord des missiles air-sol de longue portée Zhezhoum pour l'attaque militaire contre la capitale Pyongyang et les objets stratégiques importants de notre république, et poussait le chef de la 2e division américaine en Corée du Sud à parler dans une place publique de l'élargissement des exercices conjoints sud-coréens-américains. Cela montre que la tentative militaire américaine d'allumer à tout prix la mèche d'une guerre nucléaire dans la péninsule coréenne est déjà à l'étape d'application et que la déclaration de l'administration Trump, selon laquelle le choix militaire est exclu de la politique de la pression et l'intervention extrême, n'est qu'une supercherie pour dissimuler l'ambition de provocation d'une guerre contre le Nord, y compris l'attaque nucléaire préventive. Mais les agresseurs américains font une erreur. La fanfaronnade des Yankees produirait son effet ailleurs, mais non devant notre armée et notre peuple. Notre République est enfin prête à répondre à toute forme de guerre d'agression des États-Unis. L'administration Trump doit bien regarder en face l'esprit et la volonté de notre armée et de notre peuple de gagner la victoire finale dans la confrontation avec les États-Unis et ne pas agir à la légère en pensant à des conséquences de sa démarche militaire insensée.